Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt ? C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Oh, bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos.